fraîche. Depuis minuit on sait faire vent fraîche. Soleil plein, je ramène de la fraîcheur. Y'a trop d'espèces, y'a pas de passagers dans le Boeing, y'a que des hôtesses. Moi chérie, on décolle, attache ta ceinture Hermès. Tu parles trop beau, t'en paye le cachet et hasta luego. Hasta luego, bambalé. J'suis roi de la mélo. Plaque algérienne, je sors de Maranello. Quand j'suis en Inde, en Cayano. J'suis en survette dans les rues de Monaco. Si t'as pas de jolis pieds, on fait du blé, on fait de la moula toute la journée. Si tu veux mon disque en exaltation, faudra m'allumer. On fait que des hits comme un Luma. Je les fais tout danser en choquet sur la luna internationale. L'Alger il est où? Il a trop d'adresse. L'Alger comme en bas, alhamdoulilah, royal et baisse. J'suis à Bora Bora, même de la vache en caisse. T'as de nouvelles chaussures, j'ai une nouvelle caisse. Oh malé, j'suis le roi de la mélo. Je sors de Maranello. Quand je suis en Inde, en Cayano. Je suis en shopping dans les rues de Milano. Il est où l'Alger, il est où? Il est où l'Alger, il est où? Il est où l'Alger, il est où? Il est où l'Alger, il est où? Mon dans l'Audi 4, si j'ai mal au pied. Mon dans l'Audi 4, si j'ai mal au pied. Mon dans l'Audi 4, si j'ai mal au pied. Mets-toi sur le côté si t'as pas de joli blé. On fait du blé, on fait de la merde.